constate, la rue s'éveille. Elle traîne à la recherche du soleil. La fille de la ville n'est pas du genre docile. Un peu grave et fière, elle fronce les sourcils. T'as pas décidé, elle transperce la foule. Ses talons claquent, résonnent sur de la soul. Musique dans les oreilles, ignore l'agitation. Le bruit des voitures et le choc des générations. Les yeux tournés au ciel, pour enfin rêver. Pour s'échapper du tumulte de la cité. Mais la fille de la ville a ce talent de rendre belle la rue à chaque instant. Et quand les songes embarquent la plupart des gens, elle attend son renouveau. Sagement, allégorie de l'espoir dans l'attente. À l'image de la ville, elle porte une figure saisissante qui enivre les passants d'une audace insolente. La fille de la ville renaît la nuit. Dans les allées désertes trouve la magie, la mélancolie la quitte, l'énergie retrouve ses pas. En solo elle retrouve sa voix. À la lueur des néons elle explore. Trouve l'extraordinaire dans ce qu'il n'est pas. Parcourue par des sentiments de plus en plus forts. Elle se laisse aller, retrouve sa joie au son du jazz de la rue noire. Elle redécouvre un nouvel espoir. La nuit sa meilleure amie, elle revêt de ses plus beaux habits. Mais très vite l'aube se lève. Et avec elle, le rêve s'achève.